to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Infestation, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la vie, la mort et l'œuvre de Patrick Devers. Notre invité Bertrand Tessier, bonjour. Bonjour Fabrice. Journaliste et réalisateur, vous avez écrit ce livre intitulé Patrick Devers, La douleur de vivre, aux éditions Albin Michel, et vous avez réalisé un documentaire sur l'acteur. Quel souvenir gardez-vous de Patrick Devers avant de lui consacrer un livre et un film? Autrement dit, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à lui? Vous savez, moi je suis né, j'ai grandi mon adolescence avec Patrick Devers et Gérard Depardieu, et sa disparition avait vraiment été un choc, parce que ce garçon, il avait pas 35 ans quand même, hein, quand il est mort. Cette disparition pour nous, public, avait vraiment été traumatisante, j'ai envie de dire. Donc j'avais envie de comprendre mieux pourquoi il en était arrivé à ce geste aussi radical, alors que la plus belle des carrières lui était promise. Il faut que vous l'avez dit tout à l'heure, Fabrice. Mais il faut pas oublier, dans les années 70, il est la nouvelle génération du cinéma français. Il y a d'un côté le duo Belmondo-Delon, et puis de l'autre, il y a Depardieu et Devers. Ce sont les figures de proue. Et les deux raflent tous les bons scénarios. D'ailleurs, quand c'est pas l'un qui le fait, c'est l'autre qui le fait. Et il n'y a pas de place pour les autres acteurs. Et c'est générationnel ce que vous dites, parce qu'il y a eu d'autres grands couples d'acteurs. Mmh. Effectivement, il y a celui-là qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est une question aussi de génération? Et pourquoi pas d'ailleurs, hein, l'art s'inscrit dans les générations. Mais vous savez, Patrick Devers, il incarne vraiment ces années 70. Et puis le début des années 80. D'abord, c'est un acteur qui porte en lui tout ce qui a pu basculer dans la société française avec mai 68. Il porte en lui évidemment la révolution sexuelle, et il l'incarne à travers le film de Bertrand Blier, Les Valseuses. Mais comment vous dire? Vous savez, il y a cette grande fracture qui est celle de 74, la première crise. Alors aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, évidemment. On a l'impression de faire de la paléontologie quasiment. Mais cette crise de 1974 a complètement bousculé tout ce qui tout, tout, toute la société française. C'est la fin des Trente Glorieuses. Et là, on découvre que le monde n'est pas aussi simple qu'il va être. Et Patrick Devers l'incarne. Prenez un film comme comme Fairbanks, que vous avez cité tout à l'heure. Patrick Devers, dans le film, il incarne un type qui sort de l'armée, qui est bardé de diplômes, un diplôme d'ingénieur en chimie, et il cherche du boulot. Et il n'en trouve pas, et ça commence un peu à se délabrer de partout. On est en 1976, c'est-à-dire qu'il y a déjà le chômage qui arrive. Et quand vous voyez tous les films de Patrick Devers, on voit bien que on voit à travers eux tout le basculement d'une société où jadis tout était possible, on avait le monde à le prendre et on le croquait avec gourmandise. Ça, c'est l'époque des années 60. Voilà. Et coup d'arrêt. Et puis tout d'un coup, le monde est dur, le monde est âpre et il faut faire avec et on bute avec. Vous avez dit les films de Patrick Devers. Ça veut bien dire, quelque part, que un film... Vous savez... Attendez, je finis. Le film est signé par son réalisateur. Mais quand on a un acteur qui prend autant de place, on finit par dire un film de Patrick Devers. Bon, mais parce que c'est tous les grands acteurs. Ouais, vous savez, les grands acteurs, les acteurs sont à la fois des éponges, mais c'est plus que des éponges, c'est des piranhas. vous savez... C'est eux qui sont sur l'écran, c'est eux qui vont au charbon, c'est eux qui font cette communication avec le public, avec l'inconscient du public. Donc, ils s'approprient les films. Quand ils ne se les approprient pas, ça ne marche pas. Ouais. Bah, c'est toutes les incarnations, d'ailleurs, passent par là, hein, c'est le même système. Alors, c'était un monceau de fragilité, ce Patrick Devers. Ça commence peut-être avec l'enfance, où dès 4 ans, il est dans le milieu du cinéma, le milieu du théâtre. Est-ce qu'il n'a pas brûlé son enfance, quelque part, en étant trop vite là-dedans. Oui, bien sûr, il a brûlé son enfance, il y a toute cette histoire effectivement de cette tribu des Morins, où quand on a besoin d'un acteur, on appelle les Morins parce qu'on est sûr d'en avoir un qui a à peu près le bon âge, comme de toute façon il y en a 5 et qui sont arrivés tous les 2 ans, on est sûr d'avoir le bon âge. Mais, en fait, vous savez, ça va beaucoup plus loin que ça, dans l'histoire de Patrick Devers, ce trouble de l'enfance. L'histoire de Patrick Devers, c'est en fait l'histoire d'une quête d'identité. C'est quand même le seul acteur au monde qui ait changé de nom alors qu'il était connu. Ouais. C'est unique dans l'histoire de ce métier de comédien. C'est-à-dire que, alors qu'il a déjà fait un certain nombre de, et pas que de petits rôles, il a fait des vrais rôles, Jean de la Tour Miracle à la télévision, les gens sont habitués à lui, ils connaissent son visage. Et ben là, il décide de ne plus s'appeler Patrick Morin, mais de s'appeler Patrick Devers. Et quand je vous parle d'identité, il y a quand même un élément qui, je pense, est vraiment la le première nœud. Faille ouais. de cet homme, le vrai nœud. C'est quand, adolescent, il va découvrir que le père, qu'on lui a dit être son père, n'est pas son père. Et qu'il est de père inconnu. Qu'il est de père inconnu. Mais, alors, déjà, il y a une question d'identité. Qui était mon père? Mais ça va aussi effondrer tout son système de valeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que Patrick Morin, futur Patrick Devers, il est né dans une famille extrêmement catholique. Mado Morin est une catholique fervente, pratiquante, que tous les jours, elle lui inculque « tu ne mentiras pas ». Et là, il découvre que sa mère lui a menti. Et menti sur la chose la plus importante à ses yeux. Donc c'est tout son système qui va s'écrouler, vous voyez. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment cette espèce de fêlure qui ne va faire que s'accroître pour devenir une faille. Et pour devenir aussi le ferment aussi de son talent hein, et de l'interprétation de ses rôles. Bah, coup de tête, savez... notamment coup de tête. Coup de tête, c'est typiquement ça, quoi. Voilà un type qui est rejeté d'un système qui est le football, avec ses supporters, avec son conservatisme aussi, et il y va, quoi, tête baissée, contre le système. C'est un truc de révolté, ça. Ah bah c'est un révolté, mais on est aussi dans une époque de révolté. On n'est pas dans une époque d'acceptation. Ouais. Et donc c'est pour ça que, à ce moment-là, aussi, il rencontre le public. Alors, on va parler de quelque chose de très important, c'est son jeu. Alors, on l'a dit tout au long du récit, il y a une espèce de fusion entre les personnages qu'il incarne et lui-même, hein, en tant qu'homme. Ça apparaît comme un must, souvent. Mais enfin, c'est pas du goût de tout le monde, ni de tous les cinéastes. Ça renvoie au paradoxe sur le comédien de Diderot, selon lequel l'acteur convaincant, c'est celui qui est capable d'exprimer une émotion qu'il ne ressent pas. C'est ça le paradoxe, hein. Moins on sent, plus on fait sentir, ce qu'a repris Brecht d'ailleurs en partie dans son théâtre de la distanciation. Donc c'est pas, pourquoi faut-il considérer Devers comme un modèle? C'est pas forcément un modèle comme pour tout le monde. Il y a d'autres écoles du cinéma. Non, mais d'abord, il y a plusieurs écoles de cinéma. Et puis je vous rappelle quand même que Diderot, quand il a énoncer le paradoxe du cinéma, il y a une chose qui n'existait pas, du comédien. Je vous rappelle que quand Diderot énonce le paradoxe du comédien, le cinéma n'existe pas. On est bien donc d'accord. Ça change quand même un peu la donne. Et vous savez à quel point les deux choses sont différentes. C'est pas un hasard si généralement on dit acteur de cinéma et comédien de théâtre. On n'utilise même pas le même mot. Patrick Devers, ce qui est frappant, comment vous dire, c'est qu'il est l'illustration d'une certaine manière, de exactement le contraire de Diderot, à savoir la méthode développée par Lee Strasberg dans l'Actor Studio aux États-Unis. Mais alors, ce qui est évidemment curieux, c'est que la méthode, il la découvre par lui-même, en fait. Parce qu'il n'a jamais pris de cours de comédien. Ses cours de comédie, il les a pris sur les plateaux de télé, sur les scènes de théâtre, où il jouait des petits rôles. Bon, tout ça est quand même une vaste construction intellectuelle, j'ai envie de dire. Seul le résultat compte, mais bon. Seul le résultat compte, de toute façon, c'est le principe et la magie du cinéma. Ce qui me frappe, c'est que les metteurs en scène, de toute façon, vont s'inspirer de ce qu'ils dégagent. Et donc, ils dégagent une fragilité, ils dégagent cette quête d'identité, ils dégagent quelqu'un de un mal-être, etc. Et ils vont s'inspirer de ça et finalement, dans une espèce de cercle vicieux, renforcer toutes ces tout ça, puisque ils vont le confronter dans leur film à ce qu'il est vraiment. Mais c'est quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs, parce qu'en fait, quand vous regardez un peu ces films, vous avez quand même Série Noire. Vous en avez parlé longuement. Et pour cause. Totalement désespéré. Totalement désespéré. Dans Un mauvais fils, le film de Claude Sauté, il interprète un drogué. Alors, faire interpréter un drogué à quelqu'un dont tout le métier sait que c'est un drogué, qu'il vient de s'en sortir, qu'il essaie de s'en sortir, effectivement, sur le tournage, il se drogue pas, sauf que à un moment, pour jouer une scène, il a besoin de se droguer. Donc là, il y a quand même une espèce de porosité. De porosité extrêmement dangereuse pour soi-même. Alors, il y a quand même un truc qui est quand même, là, vous en avez pas parlé, mais quand même, le dernier film qui est tourné Patrick Devers, c'est Paradis pour tous. C'est un film d'Alain Gessoy. Et le rôle qu'il interprète dans ce film, c'est l'histoire d'un type qui rate son suicide et qui se retrouve sur une chaise roulante. Quand même, tout ça est pas... c'est-à-dire que le cinéma n'est pas un exutoire, un exorcisme, une manière de vivre d'autres vies, comme il l'est souvent chez les comédiens. Il est, pour lui, une manière de se replonger dans ses propres fantômes, dans ses propres démons et dans sa propre noirceur. Alors, on va écouter ce que dit de son jeu l'une de ses partenaires, Catherine Deneuve, qui parle de Patrick Devers sur le tournage d'Hôtel des Amériques. On écoute cette archive ensemble et on la commente après. Je ne l'ai pas connu vraiment très personnellement parce qu'il était dans un moment très compliqué de sa vie. Il était avec sa femme, c'était assez difficile à ce moment-là. Et donc, bien qu'on soit en extérieur, on s'est très peu vu en dehors du tournage. Il était, très présent quand il tournait, quand on travaillait. Oui. Mais sinon, il était quand même complètement avec elle. Mais donc, il était très émouvant. Il me touchait beaucoup parce que je le sentais très... D'abord dans un moment difficile, et je crois qu'il en a eu plusieurs. Quand il a joué, mais je pense que Patrick avait quand même le goût des histoires dramatiques quand même. il était lui-même dans un état qui était... Je n'avais plus l'impression qu'il jouait. Moi, c'est un des rares acteurs qui m'a vraiment fait pleurer. Alors voilà, donc on dit que le Graal d'un acteur, c'est trouver la sincérité. C'est ça en fait le Graal d'un acteur, plus que la justesse. C'est la sincérité, comment être sincère au moment où vous dites quelque chose. Bah, qu'on y croit, ouais. Qu'on y croit, et on y croit, voilà. Et on est bluffé à chaque fois, et c'est des performances. J'ai employé un mot qui est terrible, vous voyez ce que je veux dire. Je viens de dire ce sont des performances, j'ai envie de dire aux États-Unis c'est des rôles pour lesquels on donne aux acteurs des Oscars. En France, on n'a donné aucun César à Patrick Devers, il en a été triste. Mais ce n'est pas des performances, c'est la vérité, c'est ces tripes qu'il mettait devant la caméra. C'est ce qui fait que c'était un acteur magique et qui continue de fasciner toute une génération de comédiens. Parce que demandez aux stars de la nouvelle génération, que ce soit Vincent Cassel, Jean-Paul Rouve, quel est votre comédien préféré? Quel est celui qui vous a donné envie de faire ce métier? Souvent ils vous répondront tous, Patrick Devers. Parce que il y a quelque chose qui passe, qui est exceptionnel. Le compagnonnage avec Depardieu, c'est à la fois une histoire de copains, de choses vécues ensemble, c'est aussi une histoire de rivalité. Elle est apparente ou elle est réelle, celle-là? On a l'impression que Patrick Devers vit mal le fait d'abord de ne pas être récompensé, ce qui est un peu paradoxal par rapport à l'image qu'il avait du cinéma et ce qu'il en disait, et aussi par rapport à Depardieu. Alors, il n'est pas récompensé, effectivement, par les Césars. Enfin, il est récompensé par la profession, par le bouche à oreille, par les spectateurs, par l'essentiel. C'est non, vrai. Mais il est récompensé par le public, mais il n'est pas récompensé ni par la presse, ni par la profession. Mais il y a des raisons à ça, vous les avez très bien évoquées tout à l'heure. D'abord, par rapport au métier du cinéma, comme on dirait aujourd'hui, il n'est pas corporate. Vous l'avez montré avec cette archive incroyable où il dézingue en plein Festival de Cannes le film qu'il vient présenter. Et puis, il n'est pas bien vu de la presse. Il n'a pas tout fait pour non plus. Je veux dire, quand vous commencez à boxer un journaliste, c'est pas la meilleure solution pour vous faire des copains. Donc, il y a un réflexe corporatiste de la presse qui fait que la presse va vraiment le bouder. Il y a des journaux qui vont interdire le nom de Patrick Devers. Il y a même des journaux, tenez-vous bien, qui à cette époque-là, lorsqu'on met les génériques des films, le retirent du nom des génériques. C'est un truc absolument incroyable. Bon, alors, voilà, mais le public est au rendez-vous. Pas toujours, d'ailleurs. Et ça va être cette décennie où ils vont être les deux pivots du cinéma français. On voit d'ailleurs qu'il y a des moments entre Patrick Devers et Gérard Depardieu où l'un a un petit peu plus de succès et vice-versa. Ils sont les deux phares, quoi. C'est très difficile d'exister pour les autres. Il va y avoir Bernard Giraudot, Jacques Weber, Francis Huster. C'est très difficile pour eux d'exister. Ils vont avoir beaucoup de mal à ce moment-là. Alors, je reviens sur un fait du récit. Donc, il est avec le jour où il se suicide avec Claude Lelouch. Il déjeune, il parle du rôle. Il est manifestement passionné par ce rôle de Marcel Cerdan. Et puis, il reçoit un coup de fil. Vous savez, Patrick Devers, en plus, à ce moment-là, il vient d'avoir deux ou trois échecs l'un derrière l'autre. Il voit très bien que ce rôle est un rôle absolument formidable. Jouer Marcel Cerdan, ce héros de toute une nation, mais qui est aussi l'un de ses héros, parce qu'il est boxeur, lui aussi, il voit très bien l'opportunité que c'est. Alors, donc, il est en période d'ascension, de nouvelle ascension, ça va bien, il se suicide, d'où le mystère. Et puis, il y a un coup de fil, il est avec Lelouch, donc il parle, il y a un coup de fil. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas qui l'appelle, on sait quelque chose de ce coup de fil. Est-ce qu'il peut expliquer quelque chose? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a relativement prescription entre la pudeur des uns et des autres. Et on sait qu'il a appelé Elsa, qui était sa compagne, qui à ce moment-là se trouvait en Guadeloupe, où elle était en vacances. Et sans doute que la conversation n'a pas été des plus agréables. Parce que tout le monde sait aussi qu'il y avait des désaccords dans le couple à ce moment-là, donc effectivement on peut supposer que la conversation n'a pas été des plus agréables. Alors ça a sûrement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais par la cause principale, vous, c'est clair. Vous savez, pour qu'une goutte fasse déborder le vase, ça veut dire que le vase c'est était plein aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, Emmanuel, qu'est-ce, quelques secondes, 30 secondes, s'il fallait trouver aujourd'hui un héritier de Patrick Devers dans le cinéma d'aujourd'hui, qui citeriez-vous? C'est pas une question un peu une colle, mais enfin bon. Oh, écoutez, alors vous me prenez un peu au brûle pourpoint, donc c'est bien. Toujours un petit peu compliqué. Dans le cinéma français, je dirais Vincent Cassel, et dans le cinéma américain, au risque de surprendre, je dirais Jack Gyllenhaal, qui est un acteur absolument prodigieux, acteur de Night Call, etc., qui est vraiment dans ce même trip. Bon, on n'a pas le temps de développer et de dire pourquoi, mais au moins, on a les noms. Merci infiniment, Bertrand Tessier, pour vos éclairages et votre connaissance Fabrice. Du cinéma et de Patrick Devers. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort de Patrick Devers, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction. Elle sera consacrée à l'écrivain britannique George Orwell, l'inventeur du Big Brother, l'écrivain du siècle dernier, peut-être le plus visionnaire sur notre siècle actuel.